vue d'esprit, Pierre-Yves Moret. Par quel chemin le texte coranique est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui? C'est la question que nous développons toute cette semaine dans À vue d'esprit, une question centrale qui touche à l'histoire de la rédaction, à la réception et à la compréhension de ce texte. Une histoire que nous parcourons en compagnie de François Desroches, spécialiste de l'islam et qui est l'invité de Jacques Mourican dans cette série réalisée par Yves Roulin. C'est le cinquième et dernier volet de cette série d'émissions dans laquelle nous interrogeons l'histoire de la rédaction du Coran. Avec vous, Jacques Mourican, bonjour. Bonjour. Et en bonne compagnie, on peut le dire ainsi, avec François Desroches, votre invité. Qui est professeur au Collège de France, grand spécialiste des circonstances de la mise par écrit du Coran, dont j'ai pas besoin de vous dire que c'est une question aiguë, si on peut dire, dans la mesure où l'éventualité qu'il y ait eu plusieurs versions du Coran, jusque dans le contexte d'aujourd'hui, pose problème, étant donné ce que le Coran est aux yeux des musulmans. Alors on comprenait depuis le début de la semaine dans quelle logique de recherche s'inscrit François Desroches. On a évoqué évidemment les origines du Coran telles que lui les entrevoit entre le 7e et le 10e siècle. Donc pour lui, des traces très tôt, dès la révélation auprès de Mahomet. On a évoqué donc le personnage de Mohammed. Médine, les différentes histoires. Aujourd'hui, on va se rapprocher un peu de notre époque en venant notamment sur la manière dont on s'est intéressé à retrouver des traces écrites du Coran à un moment, donc de manière délibérée. Oui, tout à fait. Ce qui est formidable, on a commencé déjà un petit peu dans l'émission d'hier, c'est qu'on se rend compte qu'au fond, cette histoire qui aujourd'hui est extrêmement sérieuse, qui donne lieu à des colloques et à des études d'un très très très grand sérieux, bon, elle a un tout petit peu croisé la route au 19e siècle. Un certain nombre de gens qui étaient assez souvent des aventuriers qui ont acheté des manuscrits du Coran souvent menacés de disparition par leur mauvais état, et puis l'ont vendu à des musées, à des archives royales ou nationales, etc., etc. Ne cachons pas que tout ça était quand même un peu fait pour de l'argent, si vous voulez. Il s'agissait d'un certain nombre d'explorateurs européens. Il existe un éditeur, auteur et éditeur qui s'appelle Jean-Claude Simoin, et qui a écrit une charmante histoire de l'archéologie qui rappelle que au 19e siècle, il n'était pas rare que ceux qui ont fondé l'archéologie sur les bases de laquelle nous raisonnons aujourd'hui n'étaient pas très très éloignés d'être des espions, généralement britanniques du reste, et que en effet, une autre partie d'entre eux étaient des gens qui commerçaient, parce que pour arriver à payer leur voyage là-bas dans ces terres lointaines, il fallait bien qu'ils trouvent un moyen. Voilà, les personnages dont va nous parler et nous a déjà parlé François Desroches. Ces personnages ont quelquefois eu ces itinéraires un peu à la Indiana Jones, si vous voulez. Ceci dit, une autre remarque que je voudrais faire est que on mesure à écouter François Desroches ce tournant dans la connaissance que nous avons aujourd'hui de la région que fut l'expédition napoléonienne. Enfin, je devrais dire l'expédition de Bonaparte, plus exactement, au Caire. Parce que, vous vous souvenez qu'hier, on a raconté que il y avait un personnage qui avait eu un rôle très important dans la collecte des premiers manuscrits, qui était l'imprimeur de cette expédition. Faut dire que c'est assez rigolo. Qui, au fond, il s'embêtait de temps à autre. Il n'avait pas grand-chose à faire. Elle a commencé à acheter les manuscrits. Et c'est sûr que cette expédition, avec tous ces savants qui étaient là, a très largement contribué d'abord à la curiosité par la suite vis-à-vis de cette région du monde. Ça a littéralement allumé la mèche de ce que l'on appellera plus tard l'orientalisme. Nous étions avec vous, François Desroches, au 19e siècle, au moment où, à l'occasion de l'expédition d'Égypte, on se met à retrouver des manuscrits. Vous nous aviez mis en scène un personnage, Jean-Joseph Marcel, imprimeur de son état, mais fort savant, qui s'intéresse beaucoup aux manuscrits qu'on peut retrouver à ce moment-là au Caire, manuscrits fort anciens. Au passage, fort anciens, ça veut dire quoi ? Ce sont des manuscrits qui ont été copiés donc entre la deuxième moitié du 7e siècle et le début du 10e siècle. Ce sont des manuscrits qui sont pratiquement tous sur du parchemin, alors que le papier est introduit dans le monde musulman vers 750, et au 9e siècle, pour des manuscrits non coraniques, on utilise plus le papier que le parchemin. Donc ces manuscrits ont un petit côté vieillot déjà à cette époque, dans la mesure où ils ne correspondent pas du tout à la pratique de tous les jours. Alors, donc, voilà notre personnage de Jean-Joseph Marcel qui revient à Paris. Et quel personnage mettriez-vous en avant comme décisif pour une meilleure compréhension, mise en perspective de ces textes qui commencent lentement à venir en Europe ? Alors, celui qui a beaucoup fait, mais malheureusement on ne l'a pas lu, c'est un Italien, Michele Amari. C'est aussi un personnage hors du commun, donc c'est un Sicilien qui est historien et il a écrit vers, je crois, 1830, l'histoire des vêpres siciliennes. À l'époque, bon, on écrit ce genre de choses pour parler de la période contemporaine. Donc, comme c'était une invitation à la révolte, il a été obligé de s'embarquer et de se réfugier en France. Et arrivé en France, mais il fallait bien qu'il s'occupe, donc il apprend l'arabe et il le fait avec un monsieur qui était également conservateur des manuscrits de la Bibliothèque nationale, ou royale plus exactement, qui lui dit « Écoutez, là j'ai un travail pour vous, j'ai cette collection à Slanchierville qui traîne par là, occupez-vous de cela » et de cette manière, en même temps, il lui trouvait un emploi qui lui permettait de gagner 3 sous pour survivre à Paris. Amari se met au travail, il le fait très sérieusement, et fait toute une série d'observations sur ses manuscrits, et c'est véritablement lui qui, le premier, montre un certain nombre de pistes de recherche. Le problème, c'est que pour le récompenser, le conservateur de la bibliothèque qui s'appelle Reynaud et qui est également membre de l'Académie a la malencontreuse idée d'organiser un concours pour lui permettre de gagner un prix. À l'époque, bon, c'est habituel, les académies publient un sujet et invitent les concurrents à écrire un mémoire sur la question pour gagner une somme qui n'était pas négligeable pour l'époque. Simplement, Reynaud n'avait pas prévu une chose, c'est qu'il y avait également dans le circuit 2 autres personnages qui avaient des choses à dire sur le Coran. L'un, c'était un tout jeune étudiant, Théodore Noldeke, qui allait devenir une des grandes gloires des études sémitiques, mais qui venait de faire quelque chose sur le Coran. Et le deuxième personnage, c'était un personnage aussi haut en couleur, Alois Sprenger, qui est médecin de formation, mais qui, n'ayant pas fait fortune dans son Autriche natale, est allé en Angleterre, puis après ça en Inde. Et en Inde, il est devenu un spécialiste reconnu d'islam et de littérature arabe. Et donc, il est revenu d'Inde avec une collection impressionnante de manuscrits, dans lesquels il y a énormément de choses sur le Coran. Donc, tous les deux, comme Amari, tombent sur le sujet, écrivent un mémoire et l'Académie donc récompense les 3. Et alors là, c'est là où le malheur s'en mêle. Noldeke publie son livre qui va devenir le manuel de base des études coraniques. Et il y a un deuxième problème, c'est que en 1858, c'est Solferino. Donc Amari repart en Italie où il devient ministre, sénateur, enfin un homme très important, et donc il ne peut plus s'occuper de ses manuscrits coraniques qui retombent dans l'oubli, d'autant que Noldeke, dans son petit livre, dit il n'y a pas grand-chose à en tirer, tout simplement parce que lui-même n'avait pas eu accès à du matériel intéressant. Il avait eu accès à quelques manuscrits sur lesquels il n'y avait pas grand-chose à dire, donc il avait fait ce constat, qui va marquer quand même pendant un demi-siècle, puisqu'il faudra attendre que ses successeurs, Bergstresser et Pretzel, écrivent la deuxième édition de l'encyclopédie de la Geschichte des Korans pour que on dise ah mais tiens peut-être ça vaudrait la peine de voir ces manuscrits. Mais bon, c'est publié en 1938. Dans les années qui suivent, les gens ont d'autres choses à faire que s'intéresser au Coran, et en plus le successeur de Bergstresser, qui est malheureusement mort dans un accident de montagne, Anton Spitaler, dissimule la collection de films que Bergstresser avait constituée et fait courir le bruit que ça a été détruit dans un bombardement sur Munich au cours de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a une espèce d'accumulation, ce qui fait que quand j'arrive à la Bibliothèque nationale en 1979, finalement, rien ne s'était passé depuis. Tout ça roupille, en quelque voilà, sorte. Voilà, ça dormait tranquillement. Il y avait ces manuscrits qui étaient là, en train d'attendre sagement que quelqu'un vienne les voir. Et c'est vrai que c'était quelque chose de tout à fait fascinant de voir défiler des manuscrits qui sont impressionnants. Ce sont des choses, d'un point de vue de la qualité de l'écriture, et également donc du point de vue de l'histoire, qui étaient là sans que personne vraiment n'ait pris conscience de leur existence. Et alors, après ça, le fonds de Fustat était connu. On savait qu'il y avait aussi des choses à faire sur un fonds qui était à Istanbul, mais qui venait de Damas, sur la collection de Kérouan. Et pendant que je travaillais sagement à Paris, on découvrait à Sanaa donc les manuscrits de la grande mosquée de Sanaa qui enrichissaient notre palette de matériel et permettaient d'accélérer considérablement notre connaissance des manuscrits et surtout de l'histoire du Coran, parce que c'est ça finalement qui est la dernière étape, c'est que on en revient à ce point. Nous avons la chance d'avoir en quelque sorte une photographie de l'évolution du Coran entre le 7e et le 9e siècle, période très importante puisque, comme je le disais, c'est l'époque où il y a énormément de mutations qui affectent le texte du Coran dans sa présentation. Donc là, on a la possibilité de suivre pas à pas cette évolution et on a la possibilité d'avoir accès à une histoire qui est l'histoire en quelque sorte réelle, parce que les manuscrits ont été copiés par des gens qui avaient leur propre culture coranique. L'histoire officielle, elle a été écrite par des savants musulmans qui avaient leur vision des choses. Pensons à un grand savant qui est Ad-Dani, un homme du XIe siècle, qui est originaire de Denia, sur la côte méditerranéenne de l'Espagne, qui est l'autorité majeure en matière de texte et de lecture coranique. Bon, il a voyagé à travers le monde musulman pour réunir des informations, mais bien sûr, il n'avait pas d'ordinateur, pas d'appareil photo, donc les notes qu'il pouvait prendre étaient bien sûr bien imparfaites, et il n'a pas vu, par exemple, certains de ces fonds que je viens de décrire, qui étaient sans doute déjà constitués, mais qui n'étaient pas forcément sur son trajet, ou pas accessibles, ou personne ne lui a donné l'information. Donc, il a reconstitué une histoire avec des choses qui lui venaient de commentaires d'autres personnes, de ce qu'il avait pu lire, de certains manuscrits qu'il a pu voir, mais c'est une image bien imparfaite. Et donc, avec ces manuscrits, brusquement, on comble des lacunes énormes et on peut comprendre beaucoup mieux l'histoire du Coran dans le monde musulman entre ces dates. Et c'est plus que cela, parce que c'est, encore une fois, le Coran, on parle toujours du Coran récité, mais on se rend compte que, en fait, le manuscrit coranique était très présent au sein des communautés musulmanes. Donc il y a toute une dimension anthropologique de l'utilisation du Coran, de la fabrication du Coran, de la qu'est-ce qu'on faisait avec ces Corans qui se posent. Et je crois que c'est véritablement un pan du passé des sociétés musulmanes médiévales qui nous apparaît également à travers les livres qu'ils avaient, qu'ils utilisaient. Je voudrais juste clarifier un point, puisque nous avons mis en scène cette collection d'aventuriers du 19e siècle, aventuriers ou personnages qui ont des vies assez agitées, qui vont ramener des Corans, ou des feuillets de Corans, des morceaux de Corans en Europe. Au passage, je crois que c'est un peu partout en Europe, ça n'est pas du tout... Voilà, on en a à Paris, mais il y en a à Berlin, à Tübingen, à Londres, à Vienne, à Saint-Pétersbourg, sans compter les innombrables feuillets épars dans toutes les collections. Parce que, si vous voulez, par exemple, les musées ont acheté un feuillet par-ci, par-là, pour montrer aux gens à quoi ressemblait un Coran ancien. Donc on a une dispersion de ce matériel qui est tout à fait considérable, et c'est également une de nos tâches d'essayer de reconstituer les manuscrits et d'essayer de leur redonner leur apparence d'antan, même si c'est de manière virtuelle. Est-ce que on peut dire sans abus que ces personnages du 19e siècle, leur mérite essentiel, c'est d'avoir précisément donc collationné ces pièces? Est-ce qu'ils ont eu, au-delà de la collation, déjà un travail d'interprétation? Dans le cas d'Amari, très certainement. Il avait rédigé donc sa contribution pour le concours de l'Académie avec toutes ses conclusions sur la façon dont le Coran avait été transmis grâce aux informations tirées des manuscrits. Donc il avait déjà vu un certain nombre de choses et essayé de mettre en relation ce qu'il avait observé avec les informations de la tradition musulmane. Donc il y avait vraiment un travail historique qui avait été lancé par lui. Malheureusement, comme il est parti en quelque sorte en plein milieu de la fête, tout cela est resté inédit et donc on n'a pas pu bénéficier de ces observations, sauf de manière très ponctuelle. Et on signalait donc un peu partout à Berlin, il faut dire que beaucoup de ceux qui ramènent ces feuillets ont tout simplement des problèmes d'argent, c'est-à-dire qu'ils font négoce. Voilà, si vous voulez, Aslan Sherville avait sans doute aussi l'idée que de retour à Paris, il vendrait sa collection au plus offrant. C'est sa veuve qui s'en est chargée, c'est ce qui s'est passé également pour Marcel. Marcel, donc, a vécu assez chichement parce que après avoir été un personnage très important sous l'Empire, comme il était très compromis avec Napoléon, il a perdu son emploi, il était, disons, il végétait avec un demi-traitement. Et donc, à sa mort, sa veuve a vendu sa collection à la bibliothèque de Saint-Pétersbourg. En Allemagne, on a la même chose. Le consul de Prusse à Damas, Bettstein, achète aussi des manuscrits sur place. Il faut penser qu'il est, je l'ai appris récemment, il était consul de Prusse, mais c'était réellement travailler pour le roi de Prusse, puisqu'il n'était pas payé. C'était à lui de se débrouiller pour se faire de l'argent. Et donc, il achetait des manuscrits et il les revendait en Allemagne. Et c'est comme ça que Berlin et Tübingen ont des manuscrits qui viennent en fait de Damas. Dans le cas de Kérouan et de Sanaa, comme ce sont des découvertes plus tardives, le processus de dispersion a été moins important dans la mesure où en Tunisie, c'était à l'époque du mandat français, et donc les autorités locales ont en principe accompagné la collection. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé aussi à Kérouan, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'évaporation. Dans le cas de Kérouan, bon, j'ai été témoin direct de la façon dont a été démasqué un voleur qui était à l'intérieur de la bibliothèque. Donc la dispersion continue, mais cette fois-ci de manière très différente. Nous arrivons au bout, François Desroches, de cette semaine d'entretien avec vous. Et vous voudrez bien me pardonner une question un peu un contre-emploi, puisque vous êtes un spécialiste du Coran, mais vous n'êtes pas du tout un géopolitologue ni quoi que ce soit de ce genre. Or, pourtant, au cœur de votre observation, il y a quand même la connaissance de ce qui est le cœur de l'islam. Et puis j'imagine bien que vous lisez le journal, vous écoutez la radio, vous écoutez la télévision, et je me demandais, avec l'expertise très particulière qui est la vôtre, lorsque vous voyez ce qui se passe dans le monde musulman, est-ce que, en quelque sorte, il y a deux lobes du cerveau qui se rencontrent, et vous dites, mais oui, dans le Coran tel que je le fréquente, je comprends mieux certaines choses qui sont en train de se passer. Oui, c'est vrai que le Coran peut être aussi un texte difficile et dangereux. C'est un texte dont certains de mes amis, je pense à des amis turcs en l'occurrence, essayent de mettre en avant qu'il est un texte du 7e siècle et que donc les lecteurs musulmans du 21e doivent peut-être réfléchir à la validité de certains enseignements à l'heure actuelle. Et c'est très curieux parce que le monde musulman, justement, est quand même assez sensible au regard des autres. Et le politiquement correct sévit tout autant que chez nous. Vous vous souvenez sans doute de cette histoire de l'imam de Vénissieux que la France avait expulsé en urgence absolue parce qu'il avait simplement tenu compte d'un enseignement du Coran, la possibilité de battre sa femme. Le malheureux, si j'ose dire, ne faisait que lire son Coran. Donc, Donc, c'est vrai que à l'heure actuelle, l'impression, c'est que ceux qui lisent le Coran, peut-être dans tout son détail, parfois peuvent se trouver un peu en porte-à-faux par rapport à les principes des sociétés modernes. Mais alors ça, c'est peut-être davantage le rôle des exégètes et des théologiens musulmans d'essayer de voir comment le texte coranique peut faire plus ou moins bon ménage avec les conditions modernes. Je crois que c'est un défi pour lui, pour l'islam, dans les années à venir, d'essayer de trouver un moyen de s'accommoder. Alors, je sais bien qu'il y aura des gens qui diront « c'est la parole de Dieu, donc il n'y a pas à transiger, c'est comme ça ». Donc, lapidation de la femme adultère, c'est pas dans le Coran, mais comme on le considère comme un enseignement coranique, puisque c'est un verset qui aurait été entendu par Omar, mais pas intégré dans le Coran, ou le début de la sourate 9, qui est quand même un texte assez violent, ce sont des choses qui demandent à être interprétées avec beaucoup de prudence. De ce point de vue-là, j'avais été frappé par un article que j'avais lu une fois d'un commentateur chiite, précisément, qui disait que dans la tradition chiite, précisément, on n'interprète pas le Coran qui veut. Le sunnisme est peut-être beaucoup plus tolérant dans ce domaine, mais avec les risques d'erreurs de lecture ou de dérives de tout ordre qui peuvent arriver quand on le fait sans avoir la formation adéquate. Et vous qui avez regardé les conditions dans lesquelles le Coran avait été mis par écrit, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des soupçons que la rédaction de telle ou telle sourate ou les changements de rédaction signifiaient de la part de ceux qui faisaient en quelque sorte le travail d'édition, justement une adaptation au monde que eux vivaient et non pas au moment où la révélation était censée avoir eu lieu? Alors, à ce point-là, non. Les choses sont, de nature beaucoup plus modeste. Mais oui, quand on regarde les manuscrits du Coran, finalement, ce qu'on constate, c'est que c'est humain trop humain. C'est le texte révélé ou la proclamation faite par Mohammed passe ensuite entre les mains de gens qui, selon leur lumière, selon leurs possibilités, font également du texte, je ne dis pas ce qu'ils pensent devoir pouvoir en faire, mais il y a quand même une certaine marge de manœuvre. Je prendrai un exemple, alors qui est peut-être un petit peu abstrait pour les gens qui ne sont pas versés dans ces sciences, mais les lectures. Donc, de quoi s'agit-il? Le texte coranique, c'est donc en principe le texte consonantique qui est noté par l'écriture arabe au début. Et après ça, il faut y ajouter les voyelles qui peuvent quand même changer considérablement le sens du texte. Hein, je donne un exemple classique, celui du début de la sourate 30, où on peut lire soit « Rome a vaincu », Rome désignant Byzance, soit « Rome a été vaincu », donc un passif ou un actif, suivant la lecture. Les vocalisations, comme elles n'étaient pas notées au début, ont été un petit peu incontrôlables, et ce qui s'est passé au cours du 8e siècle, ça a été une véritable prolifération de lectures qui, après ça, seront éliminées par Ibn Mujahid. Mais ce qu'on voit bien, c'est que la transmission s'augmente, disons, de toutes sortes de choses qui, à l'origine, n'y étaient pas. Et un collègue qui a publié il n'y a pas très longtemps une histoire de ces lectures et de leur canonisation à cette époque a de temps à autre des phrases qui sont assez amusantes du genre « et en un siècle, cette lecture qui était jusqu'alors considérée comme douteuse, devint divine ». Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Ibn Mujahid a fait le choix, par exemple, d'une lecture qui était très controversée en son temps, mais son autorité a fait que, par la suite, elle est devenue l'une des sept lectures de référence pour le monde sunnite. Yeah. Les propos de François Desroches, professeur d'histoire du Coran, texte et transmission au Collège de France et qui était votre invité toute cette semaine dans cette série d'émissions, Jacques Mourican. Voilà, c'est la fin de cette série d'émissions qui nous aura permis d'éclairer précisément les connaissances actuelles portées notamment par François Desroches sur l'histoire de la rédaction du Coran, telle qu'on peut l'établir jusqu'à aujourd'hui. Jacques Mourican, le fait que François Desroches soit lui-même un chercheur européen, français, dans un contexte où l'Occident a gardé des traces du Coran qui permettent une relecture différente de la tradition, si on peut en faire un grand tout, musulmane, qu'est-ce que ça implique ou comment est-ce qu'il faut comprendre que ça puisse teinter les rapports Orient-Occident, le fait qu'aujourd'hui, de l'Occident, on fasse une approche historico-critique d'une tradition orientale musulmane? Ah ben, ça c'est, vous soulevez là un problème très important auquel j'aimerais bien pouvoir faire une réponse, mais franchement, je ne le peux pas. C'est au fond, finalement, la question de la réception de ces recherches. Je pense que c'est une histoire de petit ruisseau, ça. C'est-à-dire que tout doucement, l'acceptabilité de ces travaux, de cette parole, en effet, dont vous rappelez à juste raison que, bon, voilà, elle vient d'Occident, c'est sûr. En même temps, je crois qu'il ne faut pas se cacher qu'il y a beaucoup d'étudiants, de gens qui travaillent sur ce sujet, qui sont des jeunes musulmans. Donc, il y a des choses qui bougent, là, d'une certaine manière, et qui bougent peut-être lentement. Mais enfin, en effet, c'est capital. Je voudrais rappeler un entretien que nous avons diffusé sur cette antenne il y a maintenant un peu plus d'un an, avec un épigraphiste qui s'appelait Mounir Arbache, spécialiste de la civilisation pré-islamique, donc avant Mahomet, mais enfin dans cette région du monde, particulièrement le Yémen, mais donc aujourd'hui, la péninsule arabique, oui. Dans la péninsule arabique, mais aujourd'hui, et c'est une réponse à votre question, aujourd'hui, il est en mission en Arabie Saoudite. C'est quand même une évolution très importante, et moi je ne vous cache pas qu'il m'en avait parlé, de voir que l'Arabie Saoudite, dont on connaît le régime, etc., accepte ce qu'elle n'a pas toujours accepté. L'idée qu'il y ait maintenant des fouilles, des recherches, sur ce qui se passait avant Mahomet, si vous voulez. Bon, les lignes bougent. Alors, ce qui m'a beaucoup frappé à cet égard, et je voudrais d'ailleurs rendre hommage à François Desroches, parce que on sent que ce soit pendant l'entretien que nous venons de diffuser, ou dans la conversation que nous avons eue à côté, une extrême prudence à ne choquer personne, si vous voulez. Du respect, de la curiosité, du respect, malgré le fait, je crois, qu'il en sache beaucoup, ça n'est pas du tout quelqu'un qui se pose comme étant la vérité. Voilà, il est en cours de recherche et il dit quelles sont ses recherches, point. Et je dois dire que je trouve que c'est extrêmement élégant. Et je pense que c'est cette attitude-là qui, si en effet les lignes doivent bouger, a le plus de chances de les faire bouger. C'est-à-dire que ça n'est pas un deus ex machina qui sort là en disant « Ah non, mais moi je viens de trouver ça ». Non, pas du tout. Et je dois dire, je l'apprécie beaucoup. Merci en tout cas Jacques Mourican de nous avoir fait rencontrer François Desroches et comprendre un peu mieux ses recherches et ses découvertes qu'il mène donc et qu'il porte actuellement au Collège de France en tant que titulaire de la chaire Histoire du Coran, texte et transmission. Toutes ces émissions sont disponibles à la réécoute, ces émissions à vue d'esprit sur notre page internet rts.ch/esprit et les conférences de François Desroches au Collège de France sont disponibles en captation vidéo sur le site du Collège de France que nous avons mis en lien sur notre page rts.ch/esprit. Jacques. Je me permets juste de dire que ils sont disponibles en captation vidéo, c'est exact, et puis également en téléchargement audio. Et je me permets de dire que c'est plus simple parce qu'il me semble que quelquefois la diffusion vidéo a des petits problèmes techniques. Merci pour la précision, Jacques Mourican. Et puis merci également à Yves Roulin qui réalisait cette série d'émissions, à Diane Dufault, notre assistante de production, Dany Sulam pour notre page internet. Et puis on se retrouve lundi. Et vous, Jacques Mourican, à bientôt pour une nouvelle proposition. À bientôt. Au revoir. À vue d'esprit, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. La semaine prochaine, nous vous proposons une nouvelle semaine d'émission. Ce sera Jean-Claude Jérez qui vous invite autour de la personnalité de Mgr Romero. Ce sera dès lundi à 16h30. D'ici là, nous vous souhaitons un excellent week-end. Dans un instant, vous retrouvez Daniel Rebella d'Un air entendu. Belle suite de journée. Vous êtes sur Espace 2, restez-y, il est 17h.